évidemment, c'est un film, Rosemary Baby, c'est un des films qui avait dans ces périodes de très bons succès, c'est des histoires très, très jolies. Et aussi, Stunt Torso, j'avais le film qui s'appelait Terror d'échec, comme c'est bien, Blade Terror. Blade Terror, Richard Fleischer. C'est des films qui ont et aussi beaucoup une inspiration de toutes les périodes, surtout pour Madame Ward et aussi pour les films des guerrieri, Il Dolce Corpo di Deborah, et l'idée Clouseau, c'était l'histoire toujours des deux femmes qui s'organisent pour faire quelque chose de mauvais à un homme. C'est toujours la même histoire, on l'a changé, mais c'est toujours l'histoire de diabolique. Couldn't be more depressed. c'est un vrai maître du cinéma international. Et il était, et je me souviens quand j'ai vu les films de Clouseau, on est resté comme ça. Et encore maintenant, je crois que si on voit Les Diaboliques, c'est un film extraordinaire. Avec anche l'interprétation finale du personnage qui après, dans la dernière photo du film, on voit les personnages qui n'est pas mort, qui est dans la fenêtre. C'est ça, c'est des idées que beaucoup, on a beaucoup donné à notre cinéma, la possibilité d'avoir d'inspiration. Et aussi tout avec Ernesto Castaldi. Il a vu bien ce film. Oui. Thank you. Vous êtes bien toujours sur le 100 FM, Lost in Space, Radioactive, 100 FM. On continue la soirée avec musique toujours, baston à l'instant, entrecoupé d'extraits d'une émission où était présent le cinéaste F.J. Haussan. C'était Atelier intérieur il y a quelques années sur France Culture. We'll be right back. Ah ben, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est, il revient, disons, parce qu'il a été assez marqué. Oui, les beats ont été très marqués par quelques comme Céline, par exemple, et qui lui-même disait écrivez télégraphique ou vous n'écrivez plus. Et Burroughs, c'est comme ça la désidéologisation du mot, quoi, puisqu'il était marqué par les théories de Korzybski puis tout l'arrière-pan, parce que déjà c'est une spéculation sur le monde qui va arriver, quoi. Quand on lit Garçon sauvage, le festin nu, mais à la fois cette écriture très très onirique dans un sens très très matérialisé mais très onirique à la fois, s'accompagne d'un esprit très clairvoyant, puisque quand on lit les essais, par exemple, donc dans la revue C, on a eu la chance de publier pour la première fois Le Temps des assassins, qui est un texte qui plaidoyait pour la libéralisation de tous les toxiques, puisqu'ils alimentent parce que leur censure génère un étoilement de la toxicomanie, explique-t-il, et puis bien sûr alimente tout un tas de pouvoirs occultes ou mafieux, puisque ça récolte énormément d'argent, enfin, c'était ce texte-là. Et les punks étaient une espèce d'électrification du livre de Wild Boys. Who's gonna tell about what's going on down there? register like the Constitution said. They take away your job and they take away your bread. You might as well be dead. Oh, nobody knows about, nobody knows about what's going on down there. Who's gonna tell about, who's gonna tell about what's going on down there? They throw you into jail, all covered with blood. The higher up man won't do you any good. He also wears the hood. Oh, nobody knows about, nobody knows about what's going on down there. Who's gonna tell about, who's gonna tell about what's going on down there? Stand up like a man and they cut you in two. The killer goes to trial, but what good does it do? He's on the jury too. Oh, nobody knows about, nobody knows about what's going on down there. Who's gonna tell about, who's gonna tell about what's going on down there? The newspaper pages nothing to say. They either tell lies or they hide it all away. Day after day after day. Oh, nobody knows about, nobody knows about what's going on down there. Who's gonna tell about, who's gonna tell about what's going on down there? Song, so you know what's true, and you've got to take it with you everywhere you go, because it's up to you. Oh, nobody knows about, nobody knows about what's going on down there. Who's gonna tell about, who's gonna tell about what's going on? C'est que oui, Burroughs était très marqué par que ce soit l'Égypte, les Mayas, enfin, il y a tout un tas de réflexions justement sur les livres des morts qui m'ont marqué, parce que les livres des morts indiens sont des livres d'images. Et le cinéma, c'est vrai, comme on disait, cette transfiguration imaginaire qui, cette rédemption imaginaire qui triomphe de la mort. Et c'est vrai que le cinéma, c'est quelque part le seul mode d'expression, enfin autrefois, hein, le cinéma argentique, je veux dire, qui est conçu au présent absolu, parce que c'est exactement le temps T, que ce soit les comédiens, que ce soit les techniciens, l'histoire du film, et après il n'y a plus que le montage. Mais c'est vrai, c'est une espèce de collapse comme ça. Enfin, c'est très, je sais plus, je trouve que le cinéma est, pourrait générer des tas de réflexions, c'est une machine. une jeune maison d'édition qui s'appelle Le Feu Sacré, qui démarre, et qui a eu l'idée comme ça de publier tous les textes de La Rebussée qui étaient restés à l'état de textes de revue, quoi. Tous les textes que j'ai écrits pour La Revue. Et donc c'est, ils ont appelé ça Archive 1, 77-79. Vous êtes toujours sur le 100 FM, on vient d'écouter un des meilleurs morceaux de Yola Tengo qui s'appelait Autumn Sweater. C'est ton pull automnal et vu les climats actuellement, c'est un peu plus qu'un pull automnal qu'il va nous falloir. Et on continue maintenant avec quelques petites chroniques de disques sortis l'année dernière. Comme d'habitude, quand on voit Kill Rock Stars comme label sur un disque, l'a priori est favorable. Et là, bingo, la surprise est plus que bonne. Les Wimps proposent un mélange post-punk avec des touches lo-fi, des chansons simples mais efficaces et un chant féminin catchy, le tout sur un beat légèrement énervé qui te fait taper du pied comme un possédé. Y a qu'à écouter la chanson éponyme Super Me pour prendre en pleine face le résumé de ce qu'ils proposent. Et comme il paraît que ce n'est que le premier album, j'attends avec impatience la suite parce que 5 titres, ça laisse une grosse frustration. Contrairement à la tour qui rend célèbre Pise, la ville d'origine des Barbacans, ce groupe propose un garage rock bien droit et carré. Cerise sur le gâteau, ils chantent en italien, ce qui nous change pas mal de l'international des chants anglais. Guitare, clavier, fuzz à outrance, tous les ingrédients sont mis à disposition pour un bel album 6 titres. We'll be right back. rock et fun, voilà le programme des Canadiens de New Swears. Chansons tubesques à souhait, refrains dignes des meilleures périodes du glam rock, pochette tirée d'une espèce de very bad trip mélangée à un spring break saignant. Et voilà tout le concept de l'album, qui s'appelle Junk Food Forever, Bedtime Whatever, résumé dans son titre, 10 pistes pour célébrer la fête, la picole et le grand n'importe quoi. Album hautement recommandé pour se mettre le sourire aux lèvres, qui pourrait bien devenir la bande-son des prochaines manifestations. Fun boy, clubhouse. Girl est une pure merveille noise pop qui me rappelle mes premiers émois d'adolescent avec les Shop Assistants. Même formule simple du power trio avec au chant et à la guitare Liz Panella des Libyans pour un résultat parfait pour un premier EP Chicago Rules. We'll be right back. de la légende country Hank Williams. Fils de Hank Williams Jr., lui aussi légende country, le susnommé Hank Williams numéro 3 ne fait pas quant à lui de la country. Lorsqu'il s'y essaye, on dirait Charles Manson tentant de saccager l'héritage familial. Le reste du temps, il pratique une sorte de rock très musclé, proche du hardcore, comme quand il reprend No Values de Black Flag. Fort bien de plus. Pour mon plus grand amusement, j'ai lu plein de chroniques de Sick Country qui déconseillent fortement l'achat de ce disque pour préserver l'intégrité mentale des cow-boys fans de Roucoulade Baltringue. Jubilatoire, mal foutu, on a ici tous les ingrédients du vrai bon disque. We'll be right back. Étonnant que Publicist UK, un super groupe, a sorti chez Relapse, la mecque des fans de métal. C'est un super groupe car il est composé de membres de divers groupes de la scène métal actuelle, Municipal Waste, Fresh Kills, etc., qui se regroupent pour pondre un album ressemblant comme deux gouttes d'eau aux premières productions gothiques Batcave du début des années 80. Du coup, pas de grosse guitare, on a à la place une ligne claire et des morceaux mid-tempo. Ceci pour nous confirmer si besoin ce que je n'avais pas aimé à l'époque, à savoir le lent basculement des groupes cold post-punk vers le metal. We came to the water, our nature not to drink, hard to pity a sailor, afraid to sink, but it was fine. We came to the door. The door was locked. We lit our torches. Then we knocked. It was fine. Fine. Fine. Fine. All the cowards in the house. Sing out. Sing out. Vous êtes toujours sur Radioactive, on vient d'écouter Publicist UK dans Lost in Space. On continue en musique beaucoup plus calme pour finir la soirée avec Brian Eno, The Great Pretender. just surrendered. She was moved by his will. She was just a prowess. He was fueled by her clothes, and he was coming to catch her. Lose the sense of time. Casino at work. My bet's on tomorrow. We could all use a perk. Oh, the onion of opinion stings my eyes, and the layers of love take me by surprise. Will you teach me the words? Stay by my side. My feet are so tired, tired, tired, tired, tired. Night shift spread on my skin, but it still seems to peel. I guess it's too thin, or it's just the season, and I am a snake shedding my sins. Wipe me clean as a slate. Oh, the onion of opinion stings my eyes, and the layers of love, they take me by surprise. Won't you teach me the words? Stay by my side. My feet are so I picked a card and you held the pack. Let's sing for the jokers and queens of this town. They're keeping me up, I need to lie down. Oh, the onion of opinion and the layers of love sting my eyes, take me by surprise. Teach me the words, lay by my side. So tired, tired, tired, tired. bird tomorrow? What? Is your bird gonna be ready to fight my bird tomorrow? My bird gonna be ready to fight your bird? Yeah, it's gonna be a bloodbath. I don't have a bird. Oh, you should buy one. You get $50 just to show. Oh, you're weird. We can go down to the pet store tomorrow, and then we can go to Starbucks. It would be a lot of fun. Did you? What? Did something explode over there? What was that noise? What? There was a weird squeaking noise. I was wondering if something blew up. Who are you? So, you could get any kind of bird, but my bird is gonna kick your bird's ass. What is that noise? What? What is that squeaky toy? What was that? What was that noise? What? I can't understand what you're saying. What? I don't understand what you're saying. You're all mumbly mumbly. You're really good, paintball voice. I can't understand anything you're saying. Can you enunciate properly? No. Please? What? Hello? Can you enunciate properly? Who are you? What? Who are you? Who are you? You can get $50. Oh! Gonna fight somebody's bird. Gonna buy another bird, cause people are too pussy to buy a bird and fight my bird. I wanna fight your bird. Why don't you get I can't understand you. I'm just gonna have to hang up on you, you fucking loser. Fuck you. You wish. What? No. You better buy me dinner first, you fucking troll. Oh my gosh, now you're a little older, you fucking paint caller. Fuck you. Well, you can't enunciate properly, so I am going to have to let you go. Goodbye! Goodbye. We'll be right back.

as I'm moving in the dark. Am I sleeping or just getting nuts? Am I dreaming of falling down? Yeah.